pas tous les dealers roulent en Mercedes avec chauffeur. Je distingue mon propos, lueur. Ils sont jamais les payeurs. Je distingue mon paradis fiscaux pour les stars qui fuient l'impôt. Yeah, yeah. Je dis stop à l'ingérence politique, elle n'est jamais pacifique. Je dis stop à tous les dictateurs qui font pression par la peur. Yeah, yeah, yeah, yeah.